Il faut savoir mourir d'un plaisir ardent, je sais. Il faut le vivre intensément au lieu de le regretter avant même d'y avoir goûté. De la main, je remets mes croyances. Je les place en ordre d'importance. Et trop loin, au fond dans l'assistance, je m'étais oublié. Tes châteaux en Espagne sont effondrés. Sur ton lit, il y a ta valise ouverte. Ta chambre est comme tes billes sans queue ni tête. Tu pleures tes déceptions. Chacune des larmes qui coule porte un nom. Mais pourquoi donc toujours fuir une tempête qui n'existe que dans ta tête? Au nom de la raison, prétendre un jour y avoir goûté, à marcher toujours dos à la lumière. T'as jamais vu que l'ombre de toi-même, et tu pleures tes déceptions. Chacune des larmes qui coulent porte un nom. Mais pourquoi donc toujours fuir une tempête qui n'existe que dans ta tête?